Thank you.

Thank you.

Ça vous le fait, vous? D'un coup, ça déconnecte. Impossible de synchroniser cette merde. Thank you. Ça marche pas, c'est moi. Ça arrête pas de déconnecter. Thank you. penser, cette rêve pour penser. Ni l'humilité, mais pas imiter les sages. Pour désir, osons, misine, osons. Utiliser contre les phages. J'en fais les mages. Savoir que tu n'as, je suis en page. L'utiliser, pire, pire, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie. La raison du peuple.